La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Cette semaine dans La Connexion, Link et Zelda parlent québécois. Accommodement raisonnable, le jeu. Facebook sert à retracer une femme exposée à la rage. Et Microsoft permet aux compagnies d'évoluer de Vista vers XP. Tout ça et plus tout de suite. C'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion pour ce lundi 1er octobre 2007. Mon nom est Mathieu Plante et pendant les deux prochaines heures, vous allez entendre les nouvelles qui vous importent, les choses qui vous intéressent le plus. On va parler de jeux vidéo dans quelques instants avec Link et Zelda qui, enfin, dans un jeu sur DS, parlent en québécois. On va aussi parler de la force du dollar canadien, Walmart baisse les prix et de Nintendo qui devance canon dans les valeurs boursières. Mais avant, en musique, voici Major Billet à La Connexion à CFO 89.1 FM. Saison passe, le monde se passe, le peu qui excite t'attire les mochons de vieux pain qu'on fait tuer. Une tranche de vie, un peu petit, que tu gardes en dedans et que tu sors pas, que tu gardes en dedans et que tu sors pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent. Retour à l'hôpital, on va t'en prescrire. montant de Major Bidet, c'était la pièce Les Mouches de leur album qui se nomme c'est vraiment un très très beau titre d'album, La Vie qui fit avec la tapisserie. Petit remontant comme ça en un lundi matin slash jeudi matin pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, on ne dira jamais assez les jeudis à 11h la rediffusion de La Connexion. Maintenant c'est l'heure du fil jeux vidéo. Regardons un petit peu ce qui s'est passé dans le domaine vidéoludique cette semaine. On commence par une nouvelle qui moi m'a diverti. Dans le jeu The Legend of Zelda Phantom Hourglass qui paraîtra sur la Nintendo DS la semaine prochaine, le héros Link, la princesse Zelda ainsi que tous les habitants du royaume s'adresseront à vous dans un français à mi-chemin entre le français international et le français québécois. Il y a deux semaines, le blog de Jouer.com, Jouer, J-O-U-E-Z.com, c'est branchez-vous qui fait ça. Donc, il nous annonçait que plus de jeux seront disponibles en français au Québec. On avait parlé à La Connexion aussi. Donc, si je ne suis pas étonné que The Legend of Zelda Phantom Hourglass soit offert simultanément en anglais et en français, le jeu détecte automatiquement la langue du Nintendo DS, dit Jouer.com, j'ai été étonné de découvrir des mots typiquement québécois dans la bouche des personnages du jeu. Voici, par exemple, ce qu'un paysan m'a demandé. Et je cite, j'ai pas été ben ben loqué avec mon potager. Tu ne voudrais pas t'en occuper pour moi? » Avec un accent aigu. Cette phrase contient quelques mots issus du joual québécois. La phrase qu'il m'a dit ensuite contient des mots issus aussi bien de l'argot québécois que de l'argot français, ce qui rend la compréhension un brin plus difficile. Et je cite, « Touche un rocher pour le rapailler, puis tu n'as qu'à toucher un endroit quelconque pour l'y fronder. » L'y fronder. Donc, vous ignorez ce que ça signifie de rapailler ou de fronder, mais vous n'êtes pas seul, dit l'article. Selon le Trésor de la langue française du Québec, j'ai découvert que rapailler signifie ramasser, dit l'article. À l'inverse, j'ai appris que le mot fronder signifie lancer des pierres, selon le dictionnaire de l'Académie française. Donc voilà, avouez que c'est quand même drôle. Si vous voulez aller voir une image qui vous montre vraiment la phrase « Tu voudrais pas t'en occuper pour moi, un rocher pour la rapailler », allez voir sur le unechance.com qui est le site de l'émission, le www.unechance.com. L'article continue ou se termine en disant « Je veux surtout pas critiquer Nintendo pour cette initiative. Je suis bien heureux que les plus jeunes peuvent enfin apprécier la série Zelda en français s'ils le désirent, tant que Nintendo évite les traductions douteuses telles que « Encubez-vous ». Pour, c'était le slogan de la GameCube pendant un moment. Donc la version anglaise c'était Get Cubed. En français c'était Encubez-vous, qui est un petit peu mal poli selon même les commentaires de l'article qui disent Encubez-vous, va te faire encuber le gros, quelle insulte, dit douchebag sur le sur l'article de jouer.com. Voilà. Tant de choses controversées comme, je sais pas, comme Encubez-vous. La commission Bouchard-Taylor-GlaxoSmithKline n'a pas encore tout vu, dit l'article encore une fois sur Jouer.com. Si certaines personnes s'expriment de vive voix ou par le biais de mémoire pour prendre position dans le dossier des accommodements raisonnables, d'autres, comme Mathieu Place, le font par le biais d'un jeu vidéo. Accommodement raisonnable de Video Game est un petit jeu sans prétention dans lequel vous devez intégrer des immigrants à la société québécoise. Oui, oui. En effet, niveau après niveau, des hordes, même d'immigrants débarquent au Québec avant, avec l'intention de vivre ici sans changer leur culture ou leurs valeurs, les vilains. Vous devrez d'abord apprendre à reconnaître les immigrants les plus récalcitrants pour cliquer uniquement sur ceux qui posent un problème afin qu'ils perdent leur niqab, burqa, turban, etc. Si par malheur vous cliquez sur les immigrants prêts à faire des efforts, ceux-ci retourneront dans leur pays. Voilà, c'est via puissance maximale, via lejouer.com. Voilà, le lien est sur le unechance.com si ça vous tente d'aller jouer à Accommodement raisonnable The Video Game. Plusieurs se demandaient quand la parité entre le dollar canadien et le dollar américain, oui, allait se refléter dans le prix des jeux vidéo au nord de la frontière. Eh bien, s'il n'en tient qu'à Walmart, dit l'article de JeuxExpress.com, eh bien, ça ne sera pas pour très longtemps. Parce qu'en effet, selon le National Post, le détaillant vient d'annoncer son intention de vendre Halo 3 pour seulement 59,83$, soit le même prix que les Américains doivent payer et 10$ de moins que partout ailleurs au pays. La décision d'égaler le prix de vente américain, et je cite, vient de dollar canadien plus fort et des attentes des consommateurs pour une baisse de prix, selon Walmart dans un communiqué. Et je cite encore, alors que certains détaillants auront des offres à court terme pour Halo 3, Walmart Canada a l'intention de garder ce prix pour une longue période. Malheureusement, le texte ne dit pas si les autres jeux subiront aussi une baisse de prix. C'est fort probable étant donné qu'une panoplie d'autres articles ont subi des baisses au cours des dernières semaines. Voilà, l'article, c'est sur jeuxexpress.com. Même chose pour le prochain. Jeuxexpress.com. Voilà, Express. Selon la firme Reuters, Nintendo est devenue la deuxième compagnie japonaise avec la plus grande valeur grâce au succès retentissant de la Nintendo Wii et de la Nintendo DS. Avec une capitalisation boursière de 8,34 trillions de yens, la compagnie vient de dépasser Canon qui se situe à 8,20 trillions. Seul Toyota devance Nintendo et il est peu probable que la firme automobile perde sa première place de sitôt. Sur le marché, elle vaut pas moins de 24 trillions de yens. Rappelons qu'en juin dernier, Forbes Asia annonçait que l'ex-président de Nintendo était devenu le troisième japonais le plus riche. Lancé le 25 septembre 1997 aux États-Unis, le jeu Ultima Online vient de fêter ses 10 ans d'existence. Et pour célébrer, Electronic Arts offre un accès gratuit au jeu jusqu'au 9 octobre pour tous les joueurs, actuels ou anciens, du pair des MMORPG ou des jeux massivement multijoueurs et en ligne modernes. Les vétérans qui avaient abandonné Britannia pour voguer vers d'autres flots, dit l'article de GameCult.com, peuvent donc récupérer le client du jeu sur le site web. Je vais vous donner l'adresse même si ça vous tente. uoherald.com/kingdomreborn/gamefiles. Mais le lien est sur lunechance.com. Donc, vous avez qu'à récupérer le client. Vous connectez avec vos anciens identifiants, à condition de s'en souvenir, évidemment. En plus de cet accès gratuit, Ultima Online accueillera également une série spéciale de nouvelles quêtes qui donneront accès à un paquet de gadgets inédits. Quelques cadeaux gratuits seront également généreusement distribués à tous les joueurs qui se connectent sur les serveurs pendant la période de célébration de l'anniversaire. Quel plaisir! Si vous voulez aller voir le site, télécharger le client et peut-être essayer le jeu, allez voir Ultima Online 10 ans d'aventure sur lunechance.com. Plus brève maintenant cette nouvelle qui parle du Tokyo Game Show 2007. L'édition 2007 de ce Tokyo Game Show a été un événement plus populaire que jamais puisque le CESA a recensé 193 040 visiteurs cette année, un chiffre record qui confirme la tendance à la hausse de la fréquentation du salon puisqu'on comptabilisait 176 056 visiteurs en 2005 et 118 080 en 2001. Ça va très bien pour le Tokyo Game Show. Le plus grand événement de jeux vidéo au monde, parce que tous les événements de jeux vidéo se nomment eux-mêmes le plus grand événement de jeux vidéo au monde. Mais bon, avec le Tokyo Game Show, c'est peut-être pas faux. Que ceux qui pensent que Sony va introduire une technologie toute neuve dans son DualShock 3 remettent à jour leurs idées, dit l'article de jeuxvideo.com. La technologie utilisé dans ce nouveau pad sera exactement la même que dans son prédécesseur. Après avoir justifié l'abandon de cette caractéristique en la jugeant tantôt inutile et dépassée, là on parle de la vibration de la manette DualShock, tantôt trop complexe à mettre en œuvre aux côtés de la reconnaissance de mouvement, c'est-à-dire le six-axis, qu'on peut bouger la manette et faire des mouvements avec la PlayStation 3. Donc le constructeur explique cette semaine que le défi pour ses ingénieurs fut de maintenir l'autonomie des batteries à un niveau correct en joignant les deux technologies. On annonçait la semaine dernière que la nouvelle manette DualShock 3 allait intégrer la vibration qui avait été abandonnée au profit du six-axis. Maintenant, les deux vont pouvoir coexister ensemble. Voilà. Donc, cette semaine, Kimberly Hutzman, en charge de la communication chez Sony Computer Entertainment America, nous apprend que l'autonomie du DualShock 3 serait équivalente à celle du six-axis. Toujours de la misère. Six-axis, lorsque la fonction vibration sera coupée, c'est-à-dire une trentaine d'heures, et divisée par deux une fois le moteur activé. Enfin, sachez que Sony, toujours selon Kimberly Hutzman, n'a toujours pas décidé si oui ou non des packs PlayStation 3 comprenant ce pad vibrant seront mis en vente ou si la manette restera un accessoire à acheter séparément. Parlant d'accessoires de jeux vidéo, de manettes, un kit de gants de boxe gonflables pour la Wii. C'est l'accessoire idiot du mois, toujours selon jeuxvideo.com. On les gonfle, on glisse la Wiimote et le Nunchuck, ça c'est les deux parties de la manette de la Wii, dans chacun des gants, suivi de nos petites mains. Et zou, dit l'article, on fait de la boxe sur la Wii. Enfin, bien sûr, avant faut-il trouver une quinzaine de dollars à dépenser autrement que pour se nourrir. Le tout est vendu chez Deal Extreme avec une pompe et des instructions d'utilisation très, très, très, très spécifiques. Allez voir le lien, l'article s'appelle « Et l'accessoire idiot du mois est ». C'est sur le unechance.com. On sait depuis longtemps que la censure allemande est particulièrement virulente quand il s'agit de jeux vidéo, et aujourd'hui encore, il nous rappelle à l'ordre. Enfin, surtout Codemasters, dit l'article de jeuxvideo.com. L'USK, autrement dit le SRB germanique, le SRB c'est en fait le USK et le SRB c'est ceux qui désignent les cotes qui vont sur les jeux vidéo, par exemple M pour mature, T pour adolescent. Donc, l'USK a enfin décidé de ne pas apposer de classification officielle sur les versions Xbox 360 et PS3 de Jericho, le jeu étant interdit aux moins de 18 ans de par chez nous, dit l'article, c'est un article européen. Ce qui n'est pas du tout du goût de Codemasters, qui ne souhaite pas modifier le contenu du titre par respect pour son auteur, Clive Barker. Du coup, le jeu ne sortira pas sur les machines mentionnées plus haut, Xbox 360 et PlayStation 3. En somme, seuls les PCistes pourront goûter à ce FPS, un first-person shooter, un tireur, un shooter, on pourrait dire un shooter, à la première personne, et donc dans sa version d'origine le 26 octobre prochain. C'est Jericho,

Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va parler du fil informatique. On va entre autres discuter de Facebook qui sert à retracer une femme exposée à la rage. Malade. Parfois on a besoin de compagnie. Et les nanas chouettes sont à Paris. C'est pas vrai ça, maman? Oh, oui, c'est vrai, Jaco. Je me souviens, en 1947, j'avais 20 ans, j'étais un jeune gaillard. De la formation Les Dorothées, c'est une nouvelle entrée en 15e position des palmarès francophones cette semaine à C'est Fou. Les palmarès C'est Fou qui sont diffusés les vendredis soirs de 17h à 19h avec moi. J'allais dire le avec moi trop vite. C'est l'heure du fil informatique. Regardons les nouvelles qui ont marqué le monde informatique cette semaine. On commence par Facebook. Grosse nouvelle. Les autorités de santé publique de Toronto ont trouvé une nouvelle utilisation au site Internet de réseautage social Facebook. Elles l'ont utilisé pour retracer une femme qui avait besoin d'être vaccinée contre la rage. La directrice des communications du service de santé publique, Mary Margaret Crapper, oui, Crapper, a expliqué que les responsables du service avaient eu recours à toutes les méthodes traditionnelles, dont le bottin téléphonique, Google et la police, avant de se tourner vers Facebook. Une des collègues de Mme Crapper a alors décidé d'envoyer des messages à des femmes dont le nom ressemblait à celle qu'ils cherchaient. Ils ont finalement réussi à la trouver en utilisant un surnom courant pour son prénom, par exemple Kat au lieu de Catherine. Ironiquement, les employés de la ville de Toronto n'ont pas le droit d'utiliser Facebook au travail, c'est vrai. Mme Crapper a donc dû obtenir une permission spéciale pour que sa collègue puisse accéder au site. L'histoire avait commencé le 3 septembre dernier quand une chauve-souris était entrée en collision avec une femme dans le nord-ouest de Toronto. Une seconde dame, celle qu'on a retrouvée, avait ramassé l'animal et l'avait amené dans un refuge pour animaux. Quand on a découvert que la chauve-souris avait la rage, les responsables du refuge ont essayé de contacter la femme mais n'ont pu la joindre parce que les coordonnées qu'ils avaient n'étaient plus bonnes. Elle avait déménagé. L'autre femme n'a pas été retrouvée et les autorités n'ont aucune information à son sujet. Un nouvel avis public a été émis. La rage est généralement mortelle quand un vaccin n'est pas administré après l'exposition à la maladie, dit l'article qui vient de la presse canadienne via canoë.com. Un nouveau service de vente de musique en ligne vient de faire son apparition, c'est Amazon MP3, une division du site Amazon.com. Les responsables ont mis les bouchées doubles. Déjà 2 millions de titres sont offerts. Comme le nom du site l'indique, il s'agit de chansons au format MP3 et sans protection anti-copie. Ça, c'est très, très rare de nos jours, même plus maintenant, on dirait. Donc, utilisable sur n'importe quel baladeur ou ordinateur et gravable sur CD. Ces pièces proviennent de plusieurs maisons de disques, notamment Universal et EMI, et sont vendues à 89 cents et 99 cents, dépendant des pièces. Le prix des disques varie entre 5,99$ et 9,99$. Le but d'Amazon est de concurrencer directement iTunes de Apple, le site par excellence pour le téléchargement de musique avec 5 millions de titres et 70% de tous les téléchargements légaux aux États-Unis sont faits par iTunes. Plusieurs groupes ont tenté leur chance dans l'industrie de la vente légale de chansons en ligne. On retrouve entre autres Nokia Music Store, Hulu de Fox, Verizon Online Music Store, Spiral Frog et plus près de nous au Québec et au Canada, Archambault.ca de Québécois. Certains spécialistes affirment qu'il sera très difficile d'ébranler Apple dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un secteur en plein essor puisque presque partout dans le monde, alors que les ventes de CD ne cessent de décliner. Je vais redire ça. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un secteur en plein essor presque partout dans le monde, alors que les ventes de CD ne cessent de décliner. Une chose semble maintenant très claire, dit l'article. Les internautes qui téléchargent de la musique veulent avoir le choix et refusent de payer le prix d'un CD simplement pour une ou deux chansons. C'est clair. Ça vient, encore une fois, de canoë.com. Le bureau de la commissaire à la protection de la vie privée accueille favorablement les idées élaborées par Google pour assurer que son nouveau service d'imagerie Street View ne contrevient pas aux lois canadiennes. Plus tôt ce mois-ci, la commissaire Jennifer Stoddard avait informé Google et la firme Immersive Media de Calgary que le service Street View lancé aux États-Unis pourrait contrevenir à la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Un porte-parole de la commission, Colin McKay, affirme que les deux entreprises n'ont pas encore répondu formellement à une demande d'information, mais Peter Fleischer, le principal avocat de Google en matière de vie privée, a expliqué au quotidien The Globe and Mail que le géant américain étudie différents moyens pour répondre aux préoccupations canadiennes, y compris en brouillant ou en réduisant la résolution de certaines images pour empêcher l'identification des individus. La commission veut toutefois connaître les détails de ce que Google a en tête avant que le service ne soit lancé au Canada, selon M. McKay. Et je cite, « Nous voulons voir en particulier ce qu'ils vont faire parce que, évidemment, nous sommes préoccupés par ce qui est offert aux États-Unis. » StreetView, on le rappelle, utilise les images prises au niveau du sol pour offrir aux utilisateurs une vue séquentielle à 360 degrés autour de l'adresse postale pour laquelle ils ont effectué une recherche. Tu donnes une recherche pour une adresse en particulier, tu peux voir autour de toi. Google offre actuellement des images de 7 villes américaines et si le service n'est pas disponible au Canada, Immersive Media, qui a collaboré au développement de Street View et offre les images, affirme disposer de photographies prises à Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Calgary et Vancouver, c'est seulement qu'ils ne s'en servent pas encore sur le service. Le lancement de Street View au Canada pourrait être retardé par les modifications qui devront y être apportées, a prévenu M. Fleischer. Aux États-Unis, par exemple, c'est légal de prendre des photos de quelqu'un, c'est légal, sauf si un tribunal a statué que cette personne était en droit de s'attendre à un peu d'intimité. Mais les lois canadiennes exigent que la personne photographiée donne son consentement à la publication des images, sauf si les photos ont été prises à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques. Brouiller les images ou utiliser une résolution plus faible pour prendre les photographies pourrait répondre aux préoccupations canadiennes, selon M. McKay. Et je cite... S'ils, Google, prennent des mesures humaines ou technologiques, que ce soit une caméra de plus faible résolution ou en brouillant les visages ou les images, ça calmerait en bonne partie nos inquiétudes. Pour nous, l'essentiel est de nous assurer que des informations personnelles ne sont pas divulguées inutilement, mais on dirait certainement qu'ils cheminent dans la bonne direction. L'article vient encore une fois de canoë.com via la presse canadienne. Voilà. Certains diront que c'est le monde à l'envers, hein, dit l'article de Canoë, encore une fois. D'autres diront qu'il était temps. Eh bien, quoi qu'il en soit, Microsoft permet de revenir en arrière et de passer de Windows Vista à Windows XP. Pourquoi? Eh bien, pour toutes sortes de raisons. Et il est clair que des milliers d'usagers ne sont pas pleinement satisfaits de Vista. Et il est indéniable que le nouveau système d'exploitation pose des problèmes aux entreprises, dit l'article. Souvent, les compagnies possèdent un parc d'ordinateurs plus ou moins compatible avec les nouvelles caractéristiques de Vista, ce qui engendre plus de problèmes que de solutions. De plus, Vista requiert plus de mémoire et un système graphique amélioré. Ajoutez à cela que parfois, les logiciels d'entreprise ont été écrits pour Windows XP et pas nécessairement pour Vista, en dépit du soutien technique de Microsoft et des mises à jour. D'ailleurs, la tendance tendance est à ce point avancée que déjà Dell, Lenovo et Hewlett-Packard offrent à leurs clients d'affaires la possibilité de migrer à rebours. On appelle ça un downgrade en anglais. C'est comme faire un upgrade, mais downgrade. Grâce à un programme spécial offert sur demande et dont le prix varie selon le constructeur, cette offre s'adresse aux clients qui possèdent Vista Intégrale, ça c'est Vista Ultimate, et Vista Business. Officiellement, cette offre n'est valide que pour quelques mois parce que Microsoft aurait demandé au constructeur de cesser de vendre XP au plus tard le 31 janvier 2008. Ça a changé depuis que l'article a été écrit. Par contre, je vais en parler tantôt. Microsoft veut cesser d'offrir un support technique pour ce système. Reste à voir si la réaction des clients qui adorent XP et qui méprisent Vista. Reste à voir leur réaction à ces clients-là qui adorent XP et méprisent Vista. Voilà. Parlant de Windows XP, les utilisateurs ont parlé et Microsoft a écouté. Le système d'exploitation Windows XP sera vendu jusqu'en juin 2008, ce qui fait que la transition officielle vers Vista est retardée de 5 mois. Et plusieurs estiment qu'il ne s'agit là que d'un minimum. Mm-hmm. Rappelons que Microsoft a présenté Windows Vista en janvier dernier avec l'intention bien arrêtée de cesser la production d'XP le 30 janvier 2008, soit un an plus tard. Or, les utilisateurs, se sont fait entendre haut et fort. Plusieurs ont dit aux constructeurs qu'ils désiraient un nouvel ordinateur avec XP au lieu de Vista. Cette situation est particulièrement vraie chez les grandes compagnies. Plusieurs n'ont pas voulu migrer vers Vista, d'une part en raison d'une incompatibilité avec des programmes internes et d'autre part parce que Vista requiert des ordinateurs plus puissants que pour XP, ce qui nécessite bien souvent l'achat de nouvel équipement. Et c'est sans compter ceux et celles qui ne jurent que par XP pour toutes sortes de raisons subjectives. Quoi qu'il en soit, Microsoft affirme que Vista constitue un très grand succès commercial avec plus de 60 millions de licences vendues. Ça, c'est bien des licences et non pas des utilisateurs, on s'entend. D'ici juin 2008, les responsables estiment que XP représentera 22% des ventes de systèmes contre 78% pour Vista. Microsoft annonce également que XP sera vendu dans certains pays en voie de développement jusqu'en juin 2010, soit 2 ans plus tard. On peut parier que d'ici là, dit l'article, Microsoft aura révisé sa décision à la lumière des souhaits de la clientèle. Je sais pas, j'ai comme l'impression légère que la date de tombée d'XP va être repoussée encore et encore et encore et encore pendant les différentes années à venir. Différentes avenirs, en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça va prendre du temps avec Windows XP s'en aille complètement parce que les gens ne veulent pas de Windows Vista pour l'instant, en général. Donc, l'article venait de Canoë.com. Microsoft, toujours à ce sujet-là, Microsoft a fourni le service Pack 1 de Windows Vista à un petit groupe d'utilisateurs. Très bonne nouvelle, on l'attend depuis très longtemps, selon Brandon Leblanc, qui fait partie de ce groupe d'utilisateurs, outre quelques modifications à l'interface d'utilisateur, il a remarqué une certaine augmentation de la réactivité, tant pour son ordinateur de bureau que pour son portable. Le temps de réveil après une mise en veille a également été réduit, ce qui était une des améliorations annoncées par Microsoft. Les problèmes de connexion Wi-Fi qu'il éprouvait après le réveil de son portable ont aussi disparu. J'ai remarqué ce problème-là. Après avoir mis un portable en veille ou après que le portable se soit mis en veille, c'est difficile de se reconnecter au Wi-Fi des fois après le retour de la veille. Il faut des fois redémarrer le modem. Donc, SP1 est déjà offert aux testeurs par l'entremise de Windows Update. Selon la version de Vista utilisée, il est nécessaire de faire 2 ou 3 mises à jour avant d'installer SP1, mais évidemment, les gestionnaires de parcs informatiques d'entreprise pourront également utiliser un fichier de mise à jour autonome. Espérons que le nombre de récriminations mentionnées par nos lecteurs d'ibranchif.com dans une nouvelle précédente seront corrigées. Microsoft est passablement occupé ce mois-ci, continue l'article, avec les lancements et les essais. En plus du lancement de la version bêta de SP1, la société a également annoncé lundi le lancement du premier Release Candidate 0, RC0, de Microsoft Server 2008, ce qui signifie que la phase de programmation achève. Et après le Service Pack 3 de Windows XP, également en chantier, les programmeurs de Microsoft ne chômeront pas d'ici Noël. Voilà. Toujours au sujet de Microsoft, mais une nouvelle un petit peu plus cocasse cette fois-ci. Le programme de tableur Excel 2007 de Microsoft va devoir réapprendre une petite portion de ses tables de multiplication. Que l'on se rassure, dit l'article qui vient de Canoë.com. Oui, voilà, d'après Computer World. La portée du bug est fort limitée. Sur un blog de Microsoft, David Gaynor, un employé de la firme, explique que lorsqu'on tente de multiplier certaines combinaisons de nombres dans Excel 2007 et que le résultat donne 65 535, d'accord, il faut que le résultat soit de 65 535, et bien le programme affiche incorrectement 100 000 comme réponse. Dramatique. Monsieur Gaynor précise que Excel affiche un résultat erroné lorsqu'on multiplie par exemple 77,1 par 850 ou 10,2 par 6425 ou 20,4 par 3212,5. Mais le programme semble parfois être capable de gérer correctement des choses dont 16 383,75 x 4. D'accord. D'autres tests ont permis de constater un phénomène similaire avec le nombre 65 536, a écrit M. Gaynor mardi. Il souligne qu'Excel a compris en fait le calcul correctement, mais que le programme se gourre à l'affichage du résultat à l'écran. Enfin bon, donc la prochaine mise à jour régulière de Microsoft sera publiée le 9 octobre, le traditionnel deuxième mardi du mois. Et il va aussi y avoir... la mise à jour va être publiée pour téléchargement sans doute sur le site de téléchargement de Microsoft et poussée aux utilisateurs sous forme de mise à jour via Windows Update et Windows Server Update Services. Voilà, l'article est via Canoe d'après Computer World et l'article se retrouve comme tous les autres sur lunechance.com. Regardons rapidement quelques affaires. Vous savez que j'ai toujours de la misère avec ça. Le Google Hot Trends pour les États-Unis, c'est les mots-clés les plus en demande en ce moment, en ce 1er octobre 2007, si vous écoutez en direct le lundi. On retrouve, entre autres, Astrology Zone en 16e position. Eva Longoria Sex Tape, la fille de Desperate Housewives, en 10e. Hein? University of Memphis en 6e. Lion King Pittsburgh en 3e. Rick Salomon est en première position. Il y a aussi, entre autres, Memphis Newspaper est en 100e. Il y a plein de choses que bien des gens se demandent pourquoi est-ce que les gens cherchent pour ça. Mais chaque sujet, si vous cliquez dessus, si vous allez sur lunechance.com et que vous cliquez par exemple sur Rick Salomon, pourquoi pas, on va vous donner un petit résumé que, tiens, Pamela Anderson va marier ou a marié Rick Salomon. Donc voilà, ça vous donne la réponse. C'est super le fun. Côté québécois, tiens, des mots-clés qui sont beaucoup plus faciles à deviner. En 5e position, on retrouve Accéder, qui est en montée fulgurante. En 4e, c'est l'Auto-Québec qui est stable. En 3e, c'est Hotmail stable. En 2e, c'est les PAC stable. Et en 1e, c'est Horoscope stable. Toujours très stable, Horoscope. Hein? Vous vous tannerez jamais, je pense. Jamais. Jamais. You hit the jackpot, man, you in the end zone. How much you wanna spend, baby, so it depends on banjo strings and sando strings, hamstrings, canto strings, and couplings. Got bangos, kangos, and Cadillac handles. Come back next week, I'll teach y'all to tango. No hassle, man, no haggle, come on. Ain't nothing too shameful, this is my corner, baby. Ain't no prize painful, ain't no exchange, though. But I will take you down those pennies, pounds, and pesos. You want it, baby, I got it. And old lighters, I got clothes, dries, all riders, and coat hangers. I got needle nose pliers, front row to the globe trotters. You buy some one liners, I'm throwing some yo mamas. Oh, no credit, no credit, no pop. You'll be riding style in a Honda Lowrider, but no time. No radio, but no ties. It's just exposed wide for the ride so quiet. Yeah, no violence. I told y'all before, man, you break it, you buy. Come on, make me an offer, baby, buy me out. All here on the corner, right here, right now. So what you need? What you need? You want it, baby? Center. You want it, baby, I got it. You need it, baby, come get it. You want it, baby, I got Galactic avec What You Need. C'est la 10e position du palmarès anglophone cette semaine. C'est featuring Lyrics Born de Galactic. Voilà. Alors, c'est l'heure du bloc Cybercrime. Quelques petites nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité et d'autres choses illégales dans le monde. Hein? La mise à jour publiée cette semaine par Apple pour son iPhone empêche bel et bien certains exemplaires débloqués de fonctionner, selon l'agence américaine Associated Press. La compagnie de Steve Jobs a ainsi mis en œuvre la menace qu'elle laissait planer depuis lundi afin de contrer le nombre grandissant d'utilisateurs qui débloquent leur téléphone pour pouvoir s'en servir avec d'autres opérateurs mobiles que AT&T. Apple a également déclaré lundi qu'elle annulait la garantie de tous les iPhones débloqués. Mais la compagnie précise que la publication de la mise à jour vise surtout à permettre aux propriétaires du iPhone de se brancher à iTunes via la connexion Wi-Fi. Selon ce qu'ont affirmé plusieurs lecteurs des webzines Gizmodo et Engadget, certains exemplaires débloqués du téléphone ne fonctionnent plus du tout, alors que d'autres ne fonctionnent que si la carte SIM d'origine est réintroduite. Les lecteurs des deux webzines soutiennent également que plusieurs des logiciels tiers qui peuvent être installés sur le iPhone ont été supprimés par la mise à jour ou ne fonctionnent plus. Quant au groupe de bidouilleurs, de hackers qui offrent des programmes gratuits ou payants pour débloquer le téléphone d'Apple, ils suggèrent aux propriétaires du iPhone de ne pas installer la mise à jour pendant qu'ils travaillent sur leur propre correctif. En fait, depuis que l'article a été publié, il y a des gens qui ont écrit de nouveaux hacks pour rebloquer le téléphone pour ensuite l'amener au magasin, le faire arranger, quelque chose du genre, si mettons il est brisé, et après ça pouvoir le remodifier. C'est très très cacheté. Très cacheté de leur part, j'étais sûr que j'avais allumé. Bonjour Caroline. Bonjour. J'ai comme parlé, mais ça n'a pas. C'était très poli de ma part de te faire ouais, ça. Oh, c'est pas grave, je te pardonne. Tu disais donc? Je disais que ça n'arrêtera jamais. Dans le fond, les gens vont toujours essayer de trouver une nouvelle manière de. J'espère. De détourner. Ouais, ben oui. C'est ça. J'ai rien contre ça. Non, même que ça fait avancer la technologie. Voilà. La société Best Buy cède aux demandes du tribunal du Connecticut. Donc, la société a trouvé une façon originale de régler son problème de conflit de prix entre son site web et son intranet. C'est une très, très grosse histoire. Donc, en mai dernier, une plainte a été déposée officiellement en cour contre Best Buy pour publicité appât et substitution. D'accord? Donc, les clients qui magasinaient dans le site web de l'entreprise obtenaient pratiquement jamais le prix annoncé une fois rendu au magasin. Il a été rapidement découvert que Best Buy utilisait dans ses magasins un intranet doté de la même interface que le site web, donc c'est absolument impossible de savoir, mais les prix étaient plus bas sur le site web qu'en magasin, donc c'était une crosse totale. Oh. D'accord? Donc, lorsqu'un client qui avait vu un article à un certain prix dans le site web trouvait un prix plus élevé en magasin, il consultait un employé qui confirmait le changement du prix ou expliquait que le rabais n'avait jamais existé, il disait « T'as tort, va checker sur le site web, gars, c'est écrit là! » Ouais, ça. Donc, à preuve, c'est ça. L'employé consultait à quoi ça servait, en fait? Ben, ça servait peut-être à attirer des gens en magasin parce qu'ils pensaient qu'il y avait un rabais sur quelque chose. Ouais, mais si les gens disaient finalement c'est pas le bon prix, je l'achèterais pas, donc je vois pas ce que ça donnait au bout du compte, parce que si le monde achetait pas. Non, je suis du même avis, mais j'imagine que s'ils ont continué de le faire aussi longtemps, c'est qu'il devait y avoir une bonne... Ouais, j'imagine. Ou peut-être qu'ils continuaient à le faire en se disant peut-être qu'un jour ça va marcher. Peut-être. Donc, cette découverte a créé un tollé chez les clients de l'entreprise et bien entendu a entraîné une poursuite. Best Buy a finalement réglé le problème, mais pas nécessairement à la satisfaction de tous. Au lieu de retirer l'intranet, non, ils l'ont pas retiré ou même ils n'ont même pas harmonisé les prix entre leur site web et leur intranet. L'entreprise a décidé tout simplement de placer une affiche au-dessus du kiosque indiquant qu'il s'agit des prix en magasin et que ceux-ci peuvent différer des prix de leur site web. Évidemment, les plaignants ne sont pas convaincus de l'efficacité de cette initiative, surtout que l'intranet affiche toujours la même interface identique au site web. C'est pas gentil. Vraiment pas. Non. Le site internet de partage BitTorrent, demonoid.com, est présentement fermé. En fait, la nouvelle date du mercredi 26 septembre. Depuis, le site a réouvert. Mais quand même, donc, suite aux présumées pressions de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, l'AICE, selon NU.NL et Torrent Freak, les deux webzines indiquent que le serveur situé au Canada fonctionne encore, mais que le fournisseur d'accès Internet bloque l'utilisation du tracker de Demonoid qui sert à transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement des échanges de fichiers et de données entre les utilisateurs. Demonoid fait partie des principaux serveurs BitTorrent avec, entre autres, de Pirate Bay. Je vais même aller voir en direct. Je crois que Demonoid.com... Non, tu vois. Les derniers changements au site nous donnent certains problèmes. Nous serons de retour bientôt. Bon, moi, on sait que le site va revenir. Contrairement à un autre site, après avoir pris connaissance de l'information contenue dans certains courriels de Media Defender rendus publics par erreur, The Pirate Bay va maintenant poursuivre des producteurs de contenu de divertissement. En juillet dernier, on a découvert que Media Defender, une société embauchée par la Recording Industry Association of America et la Motion Picture Association of America pour polluer les réseaux d'échange de fichiers, regarde bien ça, ils travaillaient à mettre sur pied un réseau bidon, d'accord? Dans lequel les personnes qui téléchargent des fichiers verraient leur ordinateur infecté d'un espiogiciel qui transmettrait de l'information à la société. Bien sûr, Media Defender s'est vigoureusement défendu de ces accusations de toutes sortes de façons. Malheureusement pour elle, des courriels internes ont circulé il y a quelques semaines. Des courriels qui révélaient que même après avoir dénoncé l'activité, la société travaillait toujours à son projet de réseau bidon. D'accord? Vous voulez vous infecter de choses en faisant un faux réseau de partage de fichiers. Donc, c'est pas tout ce que disaient ces courriels-là. De fait, ils contenaient suffisamment d'informations pour que le célèbre site de Pirate Bay puisse entreprendre des poursuites contre les joueurs importants du secteur du divertissement. Les entreprises seront accusées de sabotage d'infrastructures, d'attaques par déni de service, de piratage et de polypostage, et ce, à une échelle commerciale. Si la poursuite est acceptée, nous aurons droit à tout un débat. Est-il légitime d'attaquer de présumés pirates pour protéger son bien, peu importe les moyens employés, dit l'article de branchez-vous.com. La justice suédoise risque d'avoir beaucoup de pain sur la planche. Donc bref, tu nous parles de nouvelles de gens pas gentils. Des gens pas gentils, c'est un petit peu la chose. Un porte-parole du procureur général de l'État de New York, Andrew Cuomo, a indiqué dimanche que le site de réseautage social Facebook avait été prévenu qu'il pourrait faire face à une accusation de fraude contre les consommateurs pour ne pas avoir été à la hauteur des assurances données afin que ses jeunes abonnés soient davantage à l'abri des prédateurs sexuels et que ceux de d'autres sites du genre. Jeffrey Lerner a affirmé que les autorités new-yorkaises s'attendaient à ce que le site réagisse de façon immédiate afin d'éliminer les dangers mis à jour par leur enquête. Et bien, la semaine dernière, M. Cuomo a annoncé avoir assigné à témoigner l'entreprise gérant le site parce qu'elle n'avait pas réagi à plusieurs plaintes faites par des enquêteurs approchés pour avoir des relations sexuelles après s'être présentés comme des abonnés âgés de 12 à 14 ans. D'accord. Donc, des responsables du bureau de M. Cuomo ont rencontré des représentants de Facebook vendredi dernier après avoir affirmé que le site Internet avait attendu 3 jours avant de répondre aux appels et aux courriels des enquêteurs de l'État. Un représentant de Facebook n'avait toujours pas répondu dimanche aux appels téléphoniques et aux courriels lui ayant été adressés par l'agence Associated Press. L'entreprise gérant le site web a cependant émis la semaine dernière un communiqué dans lequel elle se disait préoccupée par l'affirmation de M. Cuomo selon laquelle les prédateurs sexuels pourraient utiliser le site afin de rencontrer des mineurs. Moi, je dis que pour régler le problème, faites appel à Dateline NBC. Oui, c'est vrai. Ils vont mettre des caméras dans une maison, vont attirer oui. les gens et puis vont les envoyer en prison. Oui. Tellement bon, très efficace, ben oui, très, très divertissant. Ouais. Je sais pas comment, à quel point ça peut fonctionner, parce que peut-être s'il attrape 2 prédateurs par 6 mois, là, mais c'est pas grave, c'est quand même très amusant à regarder. Puis bon, on se dit peut-être qu'il y a vraiment un effet positif à quelque part aussi, parce qu'ils sont quand même en prison pour vrai. Oui, c'est ça. Oh, et oui. Ça fait de la bonne télé. Oui, très bonne télé. Donc voilà qui fait le tour pour le bloc cybercrime. Parlant de choses criminelles et de palmarès, parce qu'on sait qu'on aime beaucoup les palmarès à la connexion. Parlant de fichiers échangés sur Internet, donc voici le palmarès des 10 films les plus téléchargés par le biais du réseau BitTorrent la semaine dernière. Oh, c'est intéressant ça! Un palmarès qui est présenté par le site Torrent Freak via radiocanada.ca. En 10e jusqu'à la 6e, Splinter, Evening, Spider-Man 3, The Invisible et Death Proof. En 5e, c'est Lucky You. En 4e, c'est Ocean's 13. En 3e, Knocked Up. En 2e, The Condemned. Et en 1e, c'est 1408. Je connais pas. C'est vrai. Voilà, donc c'est la fin de la première heure de la connexion. Restez là parce que dans la 2e heure, on commence par un bloc à thème. Sur quoi? Sur Halo 3. Ah ben. Pas le choix. Ah ben. Ça donne-tu bien. Mais d'ici là, restez là pour les nouvelles de Radio-Canada. Hein? Et oui. Voici en musique Alexandre Champigny. Et je vais m'hypnotiser à la connexion. Assez fou. 89.1 FM. Changer le ciel est... connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Caroline Cloutier, slash Daisy, Peach, Zelda. Faudrait en faire une liste encore plus longue. Oui, on devrait à chaque semaine en rajouter un. Oh oui, quelle bonne idée. Ah, c'est tellement beau à voir des blagues comme ça. Il reste encore une heure. Dans cette deuxième heure, on va parler entre autres de Halo 3, hein, parce oui, que c'est gros ça. C'est big, c'est probablement le jeu de l'année. C'est ce que je prédis. Probablement, on va parler du nouveau record que le jeu a établi. On va aussi parler de Microsoft qui confirme les égratignures de Halo 3 Limited Edition. Tout ça plus tard, mais avant, voici OK Girl River. Our life is not a movie. Or oh non? Maybe. Peut-être. La vie n'est pas un film. Peut-être. Mais peut-être. C'est bon. It's just a bad movie where there's no crying. Handing the keys to me in this red line. Where the lock that you locked in the suite says there's no crying. When the breath that you breathe in the street screams, there's no science. When you look how you looked then to me, that I cease lying and fall into silence. This is a life story, so there's no climax. No more new territory, so pull away the IMAX. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. It still begins on a kid in the big city. And no cut to a costly parade that's for him. Not haunted, it was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air around your chair feels a heat, that's the flames licking. OK, Kerbal River avec Our Life is Not a Movie. Or maybe. Peut-être, on sait pas, hein? Non, on a suivi la réponse pendant la toune. Je sais pas. J'imagine. Ouais. Faudra rien entendre. Ouais. Donc, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est l'heure du bloc à thème. Cette semaine, notre thème, c'est Halo 3. Ouais. On aime ça, des blocs à thème, c'est le fun. On commence par une première nouvelle, tiens, avec une première journée de vente ayant rapporté plus de 170 millions de dollars américains sur le territoire des États-Unis seulement. Halo 3 est maintenant officiellement le lancement multimédia le plus lucratif de toute l'histoire du monde. Ouais, c'est assez quelque chose. Les 24 premières heures de mise en marché ont généré encore plus de profits que les lancements de plusieurs films et livres à succès, dont la version cinématographique de Spider-Man 3 et le dernier tome de la série Harry Potter, un succès sur toute la ligne qui démontre hors de tout doute qu'une bonne campagne de marketing peut rapporter gros, dit l'article de ArtGamers.com. Mais Halo 3, c'est gros, hein? J'ai vu des annonces partout, j'ai vu des annonces de jeux vidéo, parce qu'il n'y avait jamais eu d'annonce de jeux vidéo. Mm-hmm. Genre, à Musique Plus, Vrac TV, il n'y avait jamais eu d'annonce de jeux vidéo, puis là, Halo 3 était partout. D'un coup sec. Ouais, ça a l'air qu'ils m'en vendent dans les dépanneurs, dans les pharmacies. Wow, ça, je savais pas. Ah ouais, c'est vraiment big, là. C'est quelque chose. Non, je suis bien sûr. Non, absolument pas. Wow. C'est très vrai. Aïe, aïe. Mais je ne sais pas si ici, ils vont en vendre, mais je pense que dans les 7-Eleven aux États-Unis, ils vont en avoir. Mm-hmm. Il y avait des boys band québécois, il me semble, qui avaient des CD d'indépendants aussi. Ouais, ça, ça marchait pas vraiment. Non, c'est ça. C'était plus cheap parce qu'il n'y avait peut-être pas l'argent de les distribuer ailleurs que dans les dépanneurs. Mais bon. Non, mais Halo 3, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce jeu-là pour faire une campagne de marketing aussi énorme, mais c'est quelque chose. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est Halo 3, c'est juste une suite, dans le fond, tu sais. Ben oui, mais c'était la suite, bon, la suite une nouvelle génération en plus. Ouais, ouais, mais ça reste le même principe quand même. Ouais, mais... C'est pas révolutionnaire, mettons. Non, non, c'est vrai. C'est plus ça que je voulais pas dénigrer le jeu qu'autant de gens aiment. C'est pas révolutionnaire, mais bon, j'y ai pas joué, mais mon copain y a joué. Mm-hmm. C'est ça qu'il me dit, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est écœurant, là. C'est génial comme expérience. Des heures et des heures, puis tu t'en poules. On pourrait conseiller aux gens d'aller lire sa critique sur jeuxexpress.com. Oui! Allez voir, c'est dans. En fait, c'est une des features en haut de la page, c'est critique de Halo 3. Voilà, donc bon. Petite publicité. JXP.ca ou jeuxexpress.com. Plusieurs joueurs et médias ont posté des photos démontrant des égratignures présentes sur le disque du jeu Halo 3 dans sa version limited. Or, Microsoft a reconnu le problème et propose de remplacer tout à fait gratuitement tout disque égratigné jusqu'au 31 décembre. À noter que ça ne couvre que l'édition limited du jeu et non les versions basic et legendary. Pour plus de détails, allez voir le xbox.com. En fait, le lien est plus long que ça. Allez voir l'article Microsoft confirme les égratignures sur lunechance.com. Ce qui se passe, c'est que la boîte limited est métallique un petit peu. Et lousse, moi, c'est ça. Le CD est lousse. Dans le fond, le CD il y a un endroit où se poser, mais l'endroit où se poser est apparemment un petit peu lousse, puis le disque flotte et varlope, comme on pourrait dire, dans la boîte. J'en ai pas entendu parler. Voilà, donc si vous avez un disque comme ça, allez voir le lien sur lunechance.com pour faire remplacer votre CD, votre DVD. Une nouvelle brève pour signaler une situation nouvelle à la connaissance de jeuxexpress.com dans l'industrie du jeu vidéo au Québec. Il semblerait que des copies exclusivement françaises de Halo 3 soient disponibles dans la province. Si vous désirez terminer le combat de Master Chief avec les mêmes voix anglophones que dans les deux volets précédents, eh bien, il conseille d'être prudent lors de votre achat et de bien vérifier que la copie que vous allez acheter est bien la version en anglais. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, je sais qu'au Future Shop, quand on entre, il y a la grosse façade de Halo 3. Il y a vraiment tout plein de jeux. Ils sont en français. Pour en anglais, c'est sûr à l'arrière de la façade. Oh! Donc, faire attention. Ah, vraiment? C'est cachetier, ça. Oui. Ben, en fait, j'imagine qu'ils ont voulu faire la promo pour les jeux en français, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont préférer la version anglaise. Je crois que ceux qui ont joué aux deux premiers en anglais ne voudront pas se dépayser totalement avec la version française, avec des voix sûrement très mal doublées. Ouais. Voilà. Donc, aller à l'arrière présentoir. Dans les ténèbres. Quelques jours après sa sortie, il est certain que Halo 3 aura une réussite totale pour Microsoft, dit l'article en retard un petit peu de GameCult.com, aussi bien au niveau des critiques dithyrambiques de la presse internationale que de l'accueil du public qui s'est littéralement jeté sur le jeu. Oui. Ring, ils ont sauté puis sont foncés. Okay. Comme un guépard en furie. Oui. Vrai. Dans l'euphorie générale qui a accompagné l'événement, quelques voix se sont néanmoins élevées du côté de certains journalistes de la presse généraliste choqués par une pratique du géant américain qui a eu la gentillesse de leur envoyer un gros colis comprenant l'édition légendaire du jeu. J'espère pas égratigner. Ouais. Cette dernière comprend évidemment les dernières aventures du Master Chief, mais aussi une réplique de son casque, un abonnement pour le jeu en ligne, une 360, la console collector avec les manettes et le casque micro assorti, et une poignée d'autres goodies associés à l'univers de Halo pour une valeur d'environ 800$. Ils ont envoyé ça à la presse. Donc, sans tourner autour du pot ni prendre des pincettes, Dean Takashi de Mercury News parle de véritables pots de vin destiné à pousser la presse à présenter le lancement du jeu comme l'événement de l'année dans l'industrie du loisir, comme il explique sur cette vidéo que vous pouvez voir sur le site vers la 7e minute, où l'on peut ensuite assister à un déballage de cadeaux assez hallucinant de tout ce qu'ils ont reçu. Plus près de chez nous, l'article est européen. Erwan Cario de Libération a eu la même réaction et a vivement réagi sur son blog, n'hésitant pas à qualifier ce geste d'insulte. Si l'éditeur répliquera certainement qu'il voulait juste faire plaisir, et si les goodies offerts sont pratiques courantes dans le milieu, d'autres pensent à l'évidence qu'il en a bien trop fait sur ce coup-là. Évidemment, c'est sûr que c'est un petit peu exagéré. Là. On sait que dans la pratique journalistique, c'est pas nécessairement bien vu d'accepter non plus ces espèces de pots de vin. Là. Mais tu parlais du casque. Ouais. Juste un petit commentaire. Le casque est très beau, mais on ne peut pas le porter. Ah non, comment ça? Parce que je pense que c'est comme trop petit. Tu ne peux pas rentrer ta tête dedans. Donc, je trouve ça plate d'avoir un casque, mais pas de pouvoir le porter. En même temps, est-ce que tu le porterais s'il était assez grand? Ben, l'Halloween. Tu ne laisserais pas juste en décoration, tu le porterais physiquement. Mais je verrais pas l'intérêt non plus d'avoir une décoration du casque de Master Chief de ma chambre. Ah, mais bon, c'est un autre débat. Je ne suis pas une collectionneuse à la base, mais tant qu'avoir un casque, j'aimerais mieux pouvoir le porter. C'est un bon point. Non, c'est vrai, l'Halloween, oui. C'est cool comme déguisement. Non, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, l'Halloween s'en vient, oui. Ah oui? Mmh, oui, c'est vrai. Peut-être qu'on devrait faire un petit bricolage, faire des casques de Master, Master Chief. Et donner ça avec l'inscription, la connexion derrière. Donc voilà, ça c'est les nouvelles du monde de Halo 3 cette semaine. Voici le top 5 des jeux les mieux cotés en fait en tout et partout sur GameSpot.com. Vous devinerez la première position, mais on va commencer quand même par la cinquième. Enemy Territory Quake Wars de Activision sur PC avec un score de 8.5. En quatrième, c'est World in Conflict de Sierra Entertainment sur PC, c'est coté 9.5. The Simpsons Game de EA Games sur 360 sort le 30 octobre prochain, est en troisième position. En deuxième, c'est de Ubisoft Naruto Rise of the Ninja sur Xbox 360, ça sort aussi le 30 octobre. Et le numéro 1 présentement, c'est de Microsoft Game Studios sur Xbox 360. La cote est de 9.5. C'est sorti le 25 septembre. C'est quoi? Halo 3. C'est Halo 3. Eh oui. Évidemment. Évidemment. Quoi d'autre? On pousse, on sort, on braille, on fait ses dents. On court, on se plante sur le ciment. Cherche le sens de la vie, laisse tomber. Enlève tes petits trous dans c'est assez. La barre une coupe d'année sur la dérape. On se calme deux, trois cafés puis on se rattrape. Si tu cherches la bougie d'allumage, viens mettre ton petit doigt dans l'engrenage. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, on se voit, on rêve, on jase, on se fait la cour. On s'aime, on doute, on casse, on se traîne en cours. La bourse ou bien la vie, je pingue les nerfs. Je vous ai dit de garder les mains en l'air. Les pieds dans mes pantoufles, j'ai perdu le rythme. Quand tu meurs, mes moutes, ça tourne trop vite. Après un bon tibon en purée, on me creuse un petit trou, je suis expiré. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, beau temps, mauvais temps. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, beau temps, mauvais temps. Machine avec beau temps, mauvais temps. Avant de passer à la pause, voici notre quiz musical de la semaine, nommé le jeu suivant. Ça sent bien. On vous laisse le temps de penser la réponse au retour à la connexion à C'est fou 89.1. FM. Avant la pause, on vous a demandé de nommer la chanson suivante et de quel jeu ça vient. Encore un petit peu de temps pour y penser. C'est toujours plus difficile avec une version MIDI d'une pièce, hein, c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Dis-moi! Mais qu'est-ce que c'est? Les gens qui ont deviné Grand Theft Auto Vice City sur la PlayStation 2, ben, bravo! Oui, bravo! Vous êtes tellement bons! Ouais, sérieusement, bravo! C'était très difficile, je trouve, ça. La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Je m'appelle Peach, Daisy, Caroline, Zelda, Cortana, tiens. Cortana? Oui. C'est de quel jeu, ça? Halo 3. Ah, ben oui. Ben, qu'un. C'était très, très concept. Je montre le fait que j'ai jamais joué à aucun des Halo. À part en mode multijoueur. Oui. C'était vraiment plat. Bon. Mais bon. Mais j'imagine c'est... que la... C'est juste pas mon genre. Il y a quelques millions qui sont en désaccord avec toi. Ben, j'imagine, oui. Ben, c'est normal, c'est juste pas mon genre. Ah, ben, c'est correct, hein, j'ai absolument rien contre ça. Donc, vous écoutez La Connexion, moi, c'est Mathieu Plante, elle, en fait, c'est Caroline Cloutier. Si vous n'avez oui. pas deviné son vrai nom, c'est Caroline Cloutier. Oui. Dans quelques secondes, on parle un petit peu de gadgets à La Connexion, mais avant, voici une pièce de figurines. Charlotte Verse. C'est bon. All alone, Figurines avec Childhood Verse à la connexion à 89.fm. On l'oublie des fois qu'il y a un petit début. Hein. C'est la voilà, chronique Go Go Gadget. On peut parler maintenant. Oui. Go Gadget, cette semaine, quelques gadgets que moi j'ai trouvé intéressants. On commence par un tapis de bureau qui est fait en bois. Parce que vous savez, vos tapis de bureau, normalement, c'est les tapis qu'on met en dessous des chaises. Hein? Non? Mm-hmm. C'est en plastique. C'est un plastique doux qui souvent devient tout égratigné, des affaires comme ouais. ça. Donc il y en a maintenant en bois, véritable. En fait, c'est du polyuréthane résistant et qui ne pliera pas, ne fera rien de ça. Ça a un pouce d'épais et il y a aussi deux petites ailes, si on veut, pliables sur les côtés qui permettent de rouler, de sortir du tapis et de remonter dessus. Ouais. Moi, je trouve ça cool. C'est le Hardwood Office Chair Mat. C'est disponible chez Amaker Schlemmer pour $299.95. C'est pas donné, par exemple. C'est via Coolest Gadgets. Ensuite, Deluxe Prism Glass. Des lunettes prisme de luxe, d'accord? Donc, je sais pas qu'est-ce qui les rend de luxe, mais quand même, ça vous permet de vous coucher et lire un livre, regarder la télé, niaiser sur votre portable alors que vous êtes couché. Donc, les lunettes ont une surface dedans qui permet de voir à l'avant, même si t'es couché. Oh, tu comprends-tu? Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment génial. Donc, ça permet de, pour les super paresseux, par exemple, les gens qui veulent pas s'asseoir pour aller sur leur ordinateur ou les gens qui ont peut-être en mobilité réduite, qui ont de la misère ou qui ont une maladie, quelque chose du genre, ça pourrait être très utile pour vous. Donc, c'est Deluxe Prism Glasses, c'est chez Sky Mall pour $49.95. Ensuite, si votre hamster aime faire du cardio, il appréciera peut-être ce pédomètre pour hamster ou n'importe quel autre petit animal de cage qui traque, surveille le nombre de révolutions que la roue fait, traduit ça en mille ou même en année-lumière. Qu'est-ce que ça dit là? Enfin bon. C'est peut-être à vendre, je suis pas certain, mais en tout cas, c'est via Tokyo Mango, si ça vous tente d'aller vous renseigner là-dessus. C'est japonais, donc bonne chance pour trouver ça ailleurs qu'au Japon ou l'importer sur eBay, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours les Japonais qui ont les gadgets les plus inutiles. C'est vrai. On l'a vu à Vlog hier, hein? Est-ce que tu as regardé Vlog? J'ai pas regardé Vlog, j'ai vu l'annonce de Vlog, mais je me suis dit non, j'écouterais pas ça. Je voulais tenter l'expérience, j'ai raté les 15 premières minutes, j'ai écouté le reste. C'est quelque chose, hein? De voir genre Dominique quoi? Carpin aussi dans un mode aussi pas naturel. Mais moi, en fait, c'est Geneviève Borne, je comprends pas ce que tu dis. Elle m'énerve, hein? Ouais, moi aussi. On dirait qu'ils essaient de flirter ensemble un petit peu. Ah, ouais, mettons, bon? Tu sais, à la place de. Mettons, ils sont sur un fond blanc, OK, avec un écran. Oui. À la place de parler une personne à la fois, tu sais, puis de nous présenter ton reportage ou le bout de le clip que tu veux nous présenter, faut que les deux soient à l'écran tout le temps, tu sais. Fait que tu vas voir Geneviève Borne parler, puis Dominique Carpin, il va la regarder, genre, en l'admirant. Oh, vraiment wow, idiot. Une fille qui parle de trucs. Les gens sont sur un divan à un moment donné, puis Geneviève va mettre son bras autour de Dominique, tu sais. Oh, tout non. Cute. T'as l'impression qu'ils vont finir ensemble à la fin de l'émission, t'sais. Oh, non. Puis ils montrent des affaires qui datent de là 3 ans, mais ils essaient de mettre ça actuel, tu sais, en donnant genre de. Comme mettons, il y avait Where the Hell is Matt dans l'émission. C'est un gars qui, depuis 2003, parcourt le monde à faire en faisant des petites danses, puis on le voit sur Internet. Et là, ils l'ont vu à Montréal, ils l'ont croisé, puis ils ont fait une petite danse avec, mais ils ont montré quand même le clip qui date de 2003, puis je trouvais que c'était vraiment pas récent. C'est vraiment mais je pense que j'ai vu un bout, c'était les prisonniers qui dansent sur Twitter. Je pense que c'était à Vlog. Peut-être au début, je l'ai raté. Mais parce qu'en fait, j'ai vu un bout, je sais pas si c'était à Vlog, je sais pas à quoi d'autre que ça aurait pu passer, pourquoi ça aurait passé à télé là. Mais ça aussi, c'est pas super récent non plus. Les ovnis qu'il y avait à Hawaii aussi, ça fait très longtemps, il me semble, de ça. Tetris japonais, le jeu de Tetris japonais, en tout cas. Je sais que c'est la première émission, donc faut qu'il se rattrape pour les. Faut qu'il se rattrape pour les derniers mois, vu que c'est la première, mais j'espère que pendant les prochaines semaines, ça va être moins complètement fake. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression que cette émission-là, c'est pour rejoindre les gens justement qui s'intéressent aux trucs branchés et tout. Mais ces personnes-là ont déjà vu les vidéos exactement. Sur Internet. C'est exactement ça. Ça s'adresse à un public trop spécifique, alors que c'est fait de façon à rejoindre un très, très grand public. Mais je suis certaine que mes parents n'iront pas écouter ça. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est comme un entre-deux. Les gens qui s'intéressent à ça l'écouteront pas parce qu'ils ont déjà vu. C'est et puis ça. Ils détestent tous Dominique Carpin parce que c'est un entre-deux. Tandis que de l'autre côté, le grand public ne veut pas voir ça de toute façon. Les vidéos d'Internet, ils vont juste regarder la marche. Là, ils regarderont pas les... En tout cas. Fait que je sais pas qui essaie de viser, mais ça marche pas en tout. Non, mais c'est un peu ce que je me dis moi aussi. Je me dis, c'est qui le public cible? Aucune idée. Donc, on s'attend à ce que ça dure peut-être pas longtemps, mais en même temps, c'est un bon remplissage, ça coûte pas grand-chose à faire. Mais justement, ça m'amène à un autre point, rapidement, parce que je veux pas perdre trop de temps à plugger TVA et Québécois. Mais, pas Québécois, juste pas plugger l'émission, mettons. Ouais, bah hein, on est méchant contre personne. Ouais, ouais. Mais ça pour dire que j'ai l'impression qu'ils vont se faire poursuivre. Parce que, ouais, mais aux États-Unis, quand tu passes des vidéos d'Internet, tu masques la musique par une musique qui est... qui t'appartient, okay. D'une banque de sons, n'importe quoi. Okay. Alors qu'eux diffusent les vidéos telles qu'ils étaient sur Internet avec de la musique souvent copyrightée. Je sais pas s'ils en ont passé avec de la vraie musique copyrightée, peut-être que je me trompe, mais ça se pourrait qu'il y ait des problèmes avec ça. Ben oui, en fait, quand ils montraient, ben en fait, si c'est vraiment l'émission à vlog, justement, Thriller, ils montraient aussi un bout de Sister's Act. C'est ça. Puis c'était aussi la vraie musique. Donc, je sais que c'est au Québec, le marché est plus petit, mais ça se pourrait qu'il y ait des répercussions avec ça. Ouais, c'est vrai. Je mets une prédiction là-dessus. Aux États-Unis, tu vois tout le temps ça remplacé par une musique Coleman pas rapport, tu sais. Mais c'est pas grave parce que la vidéo marche pareil sans la musique avec marque de commerce. Bon, voilà. Ça fait le tour pour Vlog. Les dimanches soirs à 21h30 à TVA. Propulsé par Québécois. Donc, prochain gadget, on va passer plus rapidement sur les derniers. Tiens, dessiné par Yuko Taguchi, c'est la Wind-Up Lamp. En fait, c'est un concept. Ok, c'est pas une vraie lampe. On peut pas l'acheter pour l'instant. C'est une lampe que tu crinques. Donc, à côté de ton lit, tu sais que tu vas t'endormir dans 10 minutes. Crinque un peu. Elle va rester allumée. Tu vas t'endormir. Elle va s'éteindre toute seule. Et en plus, tu sauves de l'électricité. Ah, ben, hein? C'est pas bête. Donc, tu sauves des batteries. Et tu n'as pas besoin de chandelle quand il y a un manque d'électricité. Mais elle fonctionne avec juste un string? Ouais, j'imagine. Mais comment, en fait, comment la lumière fait pour allumer avec un string? Tout à fait. C'est exactement ce que ça dit ici. Plus tu la crains, plus la lampe va rester allumée longtemps. Et puis, vous n'avez pas à vous souvenir d'éteindre la lumière. Non, ça ne dit pas les détails de comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais ça doit marcher. En fait, ça marque « Powered entirely by a spring-driven generator ». Une génératrice qui fonctionne à ressort. Donc, c'est une génératrice qui est à l'intérieur. C'est cool. Très, très cool. C'est via RFJ, via Ogizmo.com. Je vais vous laisser aller voir les autres. Un DVD qui ne joue que des couleurs pour faire de l'environnement dans votre maison. Gaspiller d'électricité. Ouais. Avec un DVD. Rien. Le DVD coûte 25$ et ça diffuse des couleurs. Ben, pourquoi pas en faire un soi-même? Pourquoi pas? Parce que vous n'avez pas de talent. Non, mais là, faut faire des couleurs. Non. Et le dernier, il y a très peu de sons qui réussissent à réveiller certaines personnes qui dorment très, très lourdement. Hein, mais pour ces gens-là, il y a le Sonic Boom Alarm Clock qui garantit de vous réveiller avec quelques approches extrêmes. D'accord? Donc, premièrement, c'est une alarme à 113 décibels qui va sonner, qui va déranger vos voisins. On peut comparer ça à un jet, OK? Un jet à 200 pieds, c'est 120 décibels. Donc, 113 décibels. Écœurant. Et puis, si vous n'avez pas d'attaque du cœur après ça, l'alarme va vous réveiller. Ouais, super. Et si c'est quand même pas assez efficace pour vous, il y a un appareil que tu peux brancher avec fil que tu mets sous ton oreiller qui va brasser ton oreiller. Un shaker. Donc, le Sonic Bomb Alarm Clock, c'est disponible via ssuaro.com pour environ 58$. Donc, fait le tour des gadgets pour cette semaine. Regardons un petit peu les jeux qui ont été les plus trichés cette semaine via GameFAQs.com. En cinquième position, c'est Metroid Prime Corruption sur la Wii. En quatrième, c'est Monster Hunter Freedom 2 sur la PSP. En troisième, c'est Final Fantasy 12. En deuxième, c'est Pokémon Diamond sur la DS. Et en première, devine c'est quel jeu qui est le plus triché. C'est Halo 3. Ah ben! C'est à 360. Ah ben! Vu que c'est la connexion, c'est plus 89.1. J'aime tout ce dont j'ai rêvé, je me dirai tu. Vraiment, pendant que tu joues de mes sentiments. Je ne sais pas pourquoi, je souris tout à coup, je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne m'en souviens pas. Ne pleure pas, le temps est, le vent reviendra secouer mes mains si tièdes. Ne pleure pas. Amourée, forêt, sous les vents, mélodie, ta mélodie. Je sais, je n'en veux pas de ce sentiment-là. Je sais, je ne ris pas souvent. Je vois des picots blancs. Mélodie légendaire, j'aurais tant aimé qu'elle existe toujours en dehors. Touche qu'il apparaît la mélodie vegane. Geneviève et Mathieu, avec la pièce Ne pleure pas de leur album Rouge-Gorge. C'est tout frais, hein? Tout frais, tout naturel, comme oui. Rouge-Gorge dans la nature. Comme toi. Ah oui. Donc, c'est une nouvelle entrée en 14e position du palmarès francophone de C'est fou. C'est un compliment, ça. Ah oui. Je suis fraîche et naturelle. C'est ça, t'es super fraîche. Ça paraît dans ta face. Bon, ben, tant mieux. C'est pas vrai. Donc, la semaine, des nouveautés en magasin parce que vous avez toujours du budget, vous cherchez quoi acheter, vous avez des cadeaux à faire à vos amis ou encore à vos copains, copines et autres qui aiment les jeux vidéo. Donc, la semaine est axée sur les héros avec la sortie de Legend of Zelda Phantom Hourglass sur la DS, entre autres, oui. C'est la grosse sortie. Mais avant, regardons les autres jeux. Attends, non. Il faut que je me l'achète. Okay. Tu vois, je savais pas quand est-ce qu'il sortait. Cette semaine. Je savais que c'était à l'automne, là. Mais cette semaine pour vrai? Oui. Cool, merci. D'accord. Merci. Sur Miss Platform, sur DS, PS2, Wii et Xbox 360, on retrouve Crash of the Titans. Sur la DS, PC, PS2, Wii et Xbox 360, on retrouve Spider-Man Friend or Foe. Sur DS, GBA et PS2, The Legend of Spyro, The Eternal Knight. Sur PS2, PS3, PSP et Wii, NBA Live 08. Sur PS2 et Wii, MLB Power Pros. Et sur PS2, PS3 et Xbox 360, NBA 2K8. Sur la DS, Master Jin Jin's IQ Challenge, Chi-Robo, Park Patrol et The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Yay! D'habitude, je saute par-dessus les sorties PC, mais j'ai entendu comme commentaire qu'on parlait pas assez de jeux PC. Ah! C'est vrai. Donc, au moins, on va avoir dit quelque chose. Sur PC, Aircraft Power Pack 2, Seven Kingdoms Conquest, Enemy Territory Quake Wars, The Chosen, Loki Heroes of Mythology, Oil Casino 2008, Race 07, Oil Puzzle and Board 2008, Monopoly 2008, Experiment 112, Next Life, Ghost in the Street, Hour of Victory, 12 Sky, Race, Ultimate 3D Pinball et Oil Card Games 2008. Vous comprenez pourquoi je saute par-dessus les PC, là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop. Sur PSP, Hot Pixel, Siphon Filter, Logan Shadow et Biker Mice from Mars. Sur Nintendo Wii, Pop X3, Dave Mira, BMX Challenge, Ninja Breadman, Hot Wheels Beat That et Balls of Fury. Et finalement sur Xbox 360, Project Gotham Racing 4 et Flat Out Ultimate Carnage. Autre que Zelda, pas grand chose qui te marque, hein? Non. Moi non plus. Cette semaine sur le PlayStation Store de la PlayStation 3 aux États-Unis et au Canada, on retrouve Clive Barker's Jericho et NBA 2K8 en démo. Les updates, il y a un nouveau véhicule pour Motor Storm et le mode Speedmaster pour Ninja Gaiden Sigma. Et finalement, les vidéos suivantes, un tutoriel pour un didacticiel, on dit en français, pour NBA 08, Eye of Judgment, le trailer de Guitar Hero 3, du film Iron Man et du film We Own the Night. Alors que sur la Virtual Console de Nintendo, cette semaine, le jeu de casse-tête Kirby's Avalanche, les amateurs de jeux d'action et de combat vont pouvoir se libérer avec de leur adrénaline avec Streets of Rage 3. Et ceux qui désirent libérer le magicien en eux à travers un jeu d'action seront comblés avec The Legend of Hero Tonma. Voilà, donc bon moment de nostalgie, dit rgamers.com. Petite nouvelle rapide, depuis une dizaine d'années, Ubisoft développe des jeux en utilisant la franchise de Tom Clancy. Et bien, la plupart sont des jeux de tir, de guerre ou d'espionnage. Cette semaine, la société a annoncé une nouvelle franchise pour Tom Clancy qui va mettre en vedette des combats aériens sur plusieurs consoles. Et qui d'autre que Ubisoft Bucarest en Roumanie, les créateurs des deux simulateurs de Blazing Angels, pour développer le projet. Donc, le joueur ressentira toutes les sensations fortes du combat aérien moderne, que ce soit durant les duels aériens ou les raids tactiques, disent-ils. Nouvelle brève qui va t'intéresser, Caroline, pour dire que Sega a dévoilé cette semaine la liste complète des épreuves olympiques qui vont être présentes dans Mario & Sonic at the Olympic Games. Ah, je suis tellement excité. Le jeu va être lancé sur la Wii le 20 novembre et les 16 mascottes, 8 de Nintendo et 8 de Sega, vont pouvoir s'affronter dans les disciplines d'été suivantes. Oh. Alors, j'avais les personnages dans une autre page que j'ai oublié de garder. Les disciplines sont les suivantes. Escrime, tir à l'arc, tir, trampoline gymnastique, saut du cheval gymnastique, saut en hauteur, soit à la perche, soit en longueur, triple saut, lancer du javelot, lancer du marteau, aviron, tennis de table, natation 100 mètres libre, natation 4 fois 100 mètres libre, 110 mètres et 400 mètres et athlétisme 4 fois 100 mètres et athlétisme 100 mètres et 400 mètres. C'est cool! Mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner, si ça va être un bon jeu, mais je trouve ça intéressant. C'est juste Sonic et c'est Mario aux Jeux olympiques. Mais moi, c'est les Jeux olympiques que je me demande. J'ai comme peur que ça soit pas le fun. OK. J'aime beaucoup les Jeux olympiques. Mais les jeux vidéo de Jeux olympiques n'ont jamais été très divertissants pour moi non plus. C'est ce que je me dis. Mais c'est quand même Mario Sonic. Et voilà. Donc pas le choix de l'essayer. C'est comme Mario Party. C'est pas toujours le fun, mais... À la limite, le louer. Le louer. À la limite. Puis si c'est vraiment cool, ben l'acheter. À la limite, forcez votre ami à l'acheter et puis aller jouer chez eux. Ouais, aussi, c'est pas pire. Voici les jeux les plus vendus au Japon la semaine dernière. En fait, c'est pour la semaine dernière, c'est ça. On commence par les consoles. Tiens, en troisième position, c'est la Wii avec 25 000 unités. En deuxième, la DS Lite avec 70 500. Et en première, c'est la PSP, encore une fois, avec 280 000 ventes. Ça commence à aller vraiment bien pour la PSP au Japon. En quatrième, PlayStation 2, cinquième, PlayStation 3, sixième, Xbox 360. La Game Boy Micro est en septième encore. Ça se vend encore, la Game Boy Micro. J'ai de la misère à le croire. Pour la semaine du 17 au 23 septembre, les jeux les plus vendus en 5e, Hitman Reborn DS, Ring Struggle sur la DS. En 4e, Pokémon Donjon Mystère Équipe d'Expédition Ténèbres. En français, c'est comme ça qu'il l'appelle, sur la DS. En 3e, Pokémon Donjon Mystère Équipe d'Expédition Temps sur la DS. Excusez pour mon petit rire, mais quelle traduction. En 2e, c'est Metal Équipement Solide. Non, c'est pas vrai. Metal Gear Solid Portable Ops Metal Plus. Metal Équipement Solide. Sur la PSP. En première, c'est... J'essaie de trouver en français, j'ai un petit peu de difficulté. Crisis Core, faut dire. Fantasme Final 7 sur la PSP avec 109 000 ventes. Fantasme Final. Non? Génial. Fantasme Final. Oui. Un peu comme la fin de la connexion dans quelques minutes. Hein? Ouais. Ça va être un fantasme final. L'extase. Ah, c'est plus 89.1 FM, la radio la plus... sensuelle. Ouais, c'est mieux que ce que je voulais dire. C'est fou 89.1. Hey, hey, hey. Yes, avec Rockers to Swallow de leur EP Is. Il nous reste à peine 2 minutes pour regarder rapidement ce qui s'est passé autour du net. Je vais vous laisser aller voir sur lunechance.com pour les détails. Il y a entre autres un mod d'une Xbox 360 dans un genre de Mac Mini. OK. Donc pour appeler la console, parce que vous savez, on pourrait tuer quelqu'un avec une Xbox 360, c'est gigantesque. Fait que donc il y a ça. Ensuite, il y a sur eBay. Pour 2026$ présentement, une Nintendo Wii modifiée en Metroid. Donc, peinturée rouge et jaune, très très beau. La manette est verte, les LED sont super jolis. Il y a même un petit peu de comment le gars l'a fait dans les photos sur eBay. Si vous voulez miser là-dessus, vous avez encore 21 minutes pour le faire. Si vous écoutez en direct le 1er octobre, ça finit à 15h, heure du Pacifique. Donc, dépêchez-vous. Ça veut dire... 15h, c'est midi, ça? C'est ça, exactement. Ça, pas du tout. En tout cas, ça veut dire midi. Spécifique, c'est 3 heures plus tôt. Ouais. Donc, mais c'est marqué 3 heures plus tôt que 15 heures, c'est midi. Ouais, mais c'est pas ça. Ça doit être 1h30 environ. Je crois que c'est pas heure du Pacifique, c'est marqué PDT, donc j'ai sûrement dit n'importe quoi en disant ça. Donc Nintendo Wii, si vous voulez voter, vous avez misé, vous avez encore 20 minutes. Okay. Ensuite, tiens, sur YouTube, les Shreds, c'est Saint Sanders qui poste ça. C'est, il prend des vidéos de vedettes comme Eddie Van Halen, Metallica, Eric Clapton, Slash, Angus Young, et leur fait faire des faux solos. Des solos de guitare qui sont affreux, là. T'as l'impression que c'est vraiment très mauvais. Mais ça pogne sur Internet, puis les gens pensent que c'est pour vrai que la vedette a fait ça mal comme ça. C'est très, très, très bien fait, là. Vraiment, ça vaut la peine d'être vu. Particulièrement celui que j'ai vu, Carlos Santana et Eddie Van Halen. C'est très, très beau à voir. C'est Saint Sanders sur YouTube. Ensuite, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé... on manque vraiment de temps. Il y a quelques semaines, on a parlé d'une technologie pour rapetisser des photos sans la rapetisser à l'échelle, mais en enlevant des morceaux, en changeant la perspective pour faire rentrer ça dans un cadre particulier. Vous pouvez l'essayer avec vos propres photos maintenant. Ça s'appelle resizer.com, R-S-I-Z-R.com. Un voleur a uploadé des photos de lui en train de voler un Mac sur le mauvais compte Flickr. Il l'a posté sur le compte Flickr de la personne qui s'est fait voler. Quelque chose du genre. Je pense que j'ai peut-être les faits un petit peu bizarres là-dedans. C'est peut-être pas exactement ça, mais allez voir les photos, c'est très très drôle. Une illusion d'optique. La photo, le GIF que j'ai posté, ok? C'est un JPEG ou une photo, elle n'est pas animée, mais t'as l'impression en la regardant que c'est une animation. Tellement que c'est une illusion d'optique. C'est fou. Fou dans tête. Fou dans tête. L'intro des Simpsons pour la saison 19 a changé. Elle continue comme après le film. T'as vu le film des Simpsons? Non, j'ai pas vu, non. En tout cas, donc il y a des changements dans ce film-là qui sont reproduits dans la saison 19, dans l'intro des Simpsons pour la saison 19 sur Fox. Et puis voilà, ben, je pense que c'est pas mal tout le temps qu'on a. C'est la fin de la connexion. J'ai plus de temps. Déjà. De temps. Oh, allez voir la vidéo de Mario 64 fait en moins de 6 minutes 47 avec une seule étoile. Le gars fucked up. Vrai? Fucké dans la tête, comme on dit. Fucké dans la tête. Si on veut voir ça, c'est où? Unechance.com. Ben oui. Moi, je vous retrouve à La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Ça, c'est les vendredis matin à 10h. Dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. La collection est en direct le lundi et en rediffusion le jeudi à 11h. La balado diffusion et tous les liens sont sur le unechance.com. Merci Caroline. Ben de rien, merci à toi. À bientôt. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis en train de vous dire au revoir et je suis pressé. Au revoir. Au revoir. Dash.com.